Je me réveille quand la lumière combatte. J'étais comme mort à l'aube, à danser sur le même air comme un automate. On passe d'un jour à l'autre, avec nos sourires jaunes pisse. On jette nos rêves à l'eau, cherchant la bonne piste. À l'eau, ici le zoo, l'enfer où pour pleurer, les hommes s'isolent, s'enferment, on est des gosses apeurés devant la mort, sans camisole, je plaide la folie. Je me sens comme un explosif sans amorce, faut lire. Entre les lignes, faut la mordre, la vie, pas l'effleurer, loin de la norme. On a grandi en se croyant éternel, on n'a plus la morve. Au nez, la rue est moins maternelle qu'avant, les gars morphent. Les soldats tombent, personne n'échappe à la règle, à la morgue. J'attends la prochaine étape. À l'arrêt, nos cœurs redémarrent quand un nom manque à l'appel. Et ça laisse des marques. On était poteaux avant le rap, les labels. Tous ghetto, superstar autoproclamé. La gueule dans les taux, dollar autoprogrammé. Même le veto, le monde appartient pas aux mecs comme nous. Un jour la mort met le veto, la nuit apporte rarement de bonnes news. C'est triste, le son chiale, le piano m'oppresse. Mec, le blues a son charme, t'es parti à l'âge du Christ ou presque. Le sort s'acharne et je me presse d'exister, rien de plus logique. Avant que le destin casse les branches de mon arbre généalogique. On dit que c'est les meilleurs qui partent et ceux qui restent souffrent. On s'aime mais surtout on le dit pas, les cœurs restent sourds. Au jardin des ombres, j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Au jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe ta bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache. Au jardin des ombres, où j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Au jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe la bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache. Le temps qu'on brûle reviendra pas comme celui qu'on perd dans ces guerres muettes. On sert d'appât, c'est partout la même merde, de la zac à la muette. Je donne une gorgée au béton à ta mémoire. Je me suis forgé au gris des tombes, parfois mon âme est noire. Sur tous les tons, je puis dans la baignoire et je parle à ce mec dans la glace. À se mettre sous les chicots, y'a rien, la vie est fade, la garce. Je rappe ce qui me torture au micro, j'ai dû laisser ma trace. Y'a pas de place pour l'imposture, 50 000 CD la passe. Pour tout ce qu'on n'a pas fait ici, tout ce qu'on n'a pas dit. Parfait, je suis loin de l'être, au paradis garde-moi une place pour mes mots. J'ai plein de lettres, frère c'est dead, y'a plus de couleurs dans la palette. Mec mes mots glacent le sang, piano branché, direct live. On se passe de sample sur un billet mauve. J'écris ce message pour qu'il me survive. Avant d'être vieux et mort, faudra qu'on vive. Faudra qu'on vire à droite, moins du pire. La vie a meilleur goût quand on vibre. On est des convives ici. Écoute, rien que des convicts, des convives. Le top, le sol nous rattrape. Tu règles le solde, le sort ouvre la trappe. Et c'est ton cercueil qu'on visse, le même qu'on visse. Combien de serpents à mon enterrement? Combien attendent qu'on glisse? Moi je suis réel entièrement. Le fils devient père et je comprends le mien un peu plus. Y'a pas de daron parfait, qui peut le plus, peut le moins. J'ai des souvenirs à graffer dans le crâne. À demain, je mets plus rien sans le métronome. Je garde le tempo, encaisser la défaite. C'est être un homme, ça s'impose. Repose en paix, padré. On veille sur la daronne pendant que les vautours gardent un œil sur moi comme sur la charogne. J'ai des souvenirs dans un coin de la tête. Coffrer ma chambre forte. On se reverra peut-être un jour si je passe la porte. Au jardin des ombres, j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Au jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe ta bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache. Au jardin des ombres, où j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Au jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe la bouteille que je lâche, une gorgée sur le bitume, le ciel crache.